raté. Mais sans déroger à la ligne du parti. Arrêtez-vous là, et une rose s'avance vers moi. La gauche, mes bonheurs de l'humanité, mais dans les limites de notre budget réalité. Nous allons répartir la richesse, nous allons soulager votre détresse. Mais tout en respectant notre cadre financier. Armé de bâtons et de cravates, on sonne à ma porte, c'est la droite. Nous rétablirons le point d'ordre. Les délinquants, nous allons prendre. Nous ramènerons la prospérité avec discipline et fermeté. N'inquiétez pas, nous resterons quand même sages. Faut quand même pas trop baisser dans les sondages. Et malheureusement, je dois quand même faire mon devoir de